Si de tes yeux tu ne vois qu'une lueur, t'as perdu l'autre œil. Si jamais un seul ainsi ne bouge, je vous tuerai tous. J'ai une voix détestable, et puis je sais pas chanter, et puis je sais pas danser, et puis je sais bailler, et puis je sais pas, mais je sais que personne ne peut m'aider. J'ai un visage désagréable, et puis il ne dit pas la vérité. Et puis il n'évoque pas les sentiments que j'ai. Et puis il fait peur, il est frais. Et puis il se moque que personne ne peut m'aimer. Mm-hmm.